nous. Ah, nous y voilà. Il ne manquait plus que cette façon-là à mon aventure. Que je suis malheureuse. C'est ma facilité qu'il place là. Lève-toi, Bourguignon, je t'en conjure, il peut venir quelqu'un. Je dirai ce qu'il te plaira. Que me veux-tu? Je ne t'aime point. Lève-toi. Je t'aimerais si je le pouvais. Tu ne me déplais point, ça doit te suffire. Quoi, Lisette? Si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche d'une condition honnête et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi. Assurément. Tu ne me haïrais pas, tu me souffrirais. Volontiers, mais lève-toi. Tu parais le dire sérieusement, si cela est, ma raison est perdue. Je dis ce que tu veux et tu ne te lèves point. C'est bien dommage de vous interrompre. Ça va de merveille, mes enfants. Courage. Je ne saurais empêcher ce garçon de se mettre à genoux, monsieur. Je ne suis pas en état de lui en imposer, je pense. Vous vous convenez parfaitement bien tous deux. Mais j'ai un mot à te dire, Lisette, et vous reprendrez votre conversation quand nous serons partis. Vous le voulez bien, Bourguignon? Je me retire, monsieur. Allez, et tâchez de parler de votre maître avec un peu plus de ménagement que vous ne faites. Moi, monsieur? Vous-même, monstre Bourguignon. Vous ne brillez pas trop dans le respect que vous avez pour votre maître, dit-on. Je ne sais ce qu'on veut dire. Adieu, adieu, vous vous justifierez une autre fois.